الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، شفخز ساخ نكونتينيو أنسامبل la lecture et l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala intitulé Al-Aqidat al-Wasitiyah, dans lequel il a exposé la croyance du groupe sauvé. Nous en sommes toujours à ce passage dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala nous a énuméré nombre de versets du livre d'Allah dans lesquels sont affirmés nombre de noms et d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les premiers versets que nous allons voir aujourd'hui concernent les attributs de l'ouïe et de la vue. Il a donc mentionné la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le premier verset de Surat al-Mujadila, lorsqu'il a dit subhanahu wa ta'ala « قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ » Allah a certes entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Et Allah entendait votre conversation. Inna Allaha sami'un basir. Certes, Allah est sami', il est celui qui entend, et il est basir, il est celui qui voit toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce verset, il est question du récit d'une femme du nom de Khawla, radiyallahu anha, qui est venue exposer au prophète sallallahu alayhi wa sallam une chose qui s'était produite entre elle et son époux. Celle-ci est donc venue discuter à ce sujet auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle se plaignait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce car à chaque fois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui disait qu'elle était maintenant interdite à son époux, elle jurait que son époux ne l'avait pas répudiée. Puis elle disait, « Je me plains à Allah, de ma faiblesse et de ma solitude. J'ai certes des jeunes enfants. Si je lui laisse, ils seront perdus. Et si je les garde, ils seront affamés. » Puis elle levait sa tête vers le ciel et disait, « Oh Allah, je me plains à toi. » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc dans ce verset qu'il entendait parfaitement cette discussion entre cette femme et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah est Sami', il entend l'ensemble des sons et l'ensemble des voix. Et il est Basir, il observe et voit l'ensemble de ses créatures, petites ou grandes. Même une petite fourmi noire sur un rocher lisse dans l'obscurité de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala la voit parfaitement. Et parmi ce qu'il voit et ce qu'il entend, il y a cette discussion qu'a tenue cette femme avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, radiyallahu anha, nous dit à ce sujet, « Gloire à celui dont l'ouïe englobe tout son, c'est-à-dire celui à qui aucun son n'échappe. » Puis elle dit, radiyallahu anha, que cette femme est venue discuter avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elle se trouvait dans un coin de la maison, c'est-à-dire Aïcha, radiyallahu anha. Elle entendait certaines paroles, alors que d'autres lui échappaient. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son messager, « قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا » Allah a certes bien entendu celle qui discutait avec toi à propos de son époux. Et l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala a dit qu'il y a dans ce verset une allusion au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait dissiper la peine et l'épreuve de cette femme. Et ce dans sa parole, « Inna Allaha sami'un basir » Certes, Allah entend et voit. Et en effet, il a révélé dans les versets suivants les jugements liés à ce qui s'était produit de la part de son époux. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné le verset 181 de Surat Ali Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَا Allah a certes entendu la parole de ceux qui ont dit « Allah est pauvre et nous sommes riches ». Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sa parole « Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasana » qui est celui qui fait à Allah un bon prêt. Certains parmi les juifs ont voulu semer la confusion parmi les croyants et faire douter de la religion de l'islam. Ils ont alors dit « Allah est pauvre et nous sommes riches ». Et nul doute que ceci est une parole gravissime. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait mention ici du fait qu'il a entendu cette parole. Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que signifie le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait entendu cette parole? Ceci est une forme de menace. Et cela nous indique qu'il va les rétribuer en fonction de ce qu'ils ont dit. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné le verset 80 de Sourate Az-Zukhruf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Am yahsaboun anna la nasma'u sirrahum wa najwahum » Pense-t-il que nous n'entendons pas leurs discussions secrètes et leurs confidences? « Bala wa rusuluna ladayhim yaktubun » Mais si, et nos messagers sont auprès d'eux et écrivent. Toute discussion tenue entre deux personnes, aussi secrète soit-elle, même ce que la personne garde au fond d'elle-même, même si elle se trouve dans un endroit isolé, Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement cela et il l'entend. Et il entend également leurs confidences, les propos qui sont tenus entre deux personnes secrètement, lorsque l'un confie à l'autre une chose sans ne la faire entendre à autrui. Allah subhanahu wa ta'ala entend cette parole. Il dit donc, pense-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets et leurs confidences? Mais si, nous entendons cela et nous le savons. Et nos messagers sont auprès d'eux et écrivent, c'est-à-dire les scribes, qui notent tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent. Et ceci, c'est une menace, afin de nous faire savoir qu'aucune parole que l'on puisse prononcer n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala, aussi secrète soit-elle. Ceci doit donc t'encourager à tenir ta langue et à faire attention aux propos que tu prononces avec celle-ci. Car Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce que tu dis et il l'entend. Et en plus de cela, il a chargé ses anges de nobles scribes pour inscrire dans le registre de tes œuvres chacun de tes actes et chacune de tes paroles. Et ceci sera un argument pour ou contre toi au jour de la résurrection. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné le verset 46 de surat Taha, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Innani ma'akuma asma'u wa ara » Certes, je suis avec vous, j'entends et je vois. Ici, il est question de Moussa et de son frère Harun, alayhim assalam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés à Pharaon. Il leur dit de ne pas avoir peur. Puis, il leur explique pourquoi ils n'ont pas à avoir peur, en leur disant « Je suis certes avec vous, c'est-à-dire je vous surveille, je vous protège, je vous soutiens. J'entends et je vois. J'entends vos paroles et les paroles de votre ennemi. Je vois ce que vous faites et où vous vous trouvez ainsi que votre ennemi. Et je vois parfaitement ce qui se passe entre vous. N'ayez donc pas peur de lui. Je suis avec vous. J'entends et je vois. Je vous préserve et je vous soutiens. » Et on voit donc dans ce verset l'affirmation de l'attribut de l'ouïe et de l'attribut de la vue. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné le verset 14 de Surat al-Alaq, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Alam ya'alam bi anna Allah yara » Ne sait-il pas, c'est-à-dire Abu Jahl, lorsqu'il a interdit la prière au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ne sait-il pas qu'Allah le voit? Ne sait-il pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend ses paroles et le voit et qu'il le rétribuera en fonction de ses actions? Donc ceci également c'est une menace. Allah subhanahu wa ta'ala informe qu'il le voit afin qu'il comprenne qu'il sera rétribué pour ce qu'il fait et ce qu'il dit. Ensuite l'auteur rahimahullah a mentionné les versets 218 à 220 de Surat Ash-Shu'ara, Dolayısıyla Allah subhanahu ve ta'ala dit, Allazi yaraka hina taqum. Il est celui qui te voit quand tu te lèves. C'est-à-dire lorsque tu te lèves pour prier, même si tu es seul. Wa taqallubaka fis sajidin. Et il voit tes gestes avec ceux qui se prosternent, c'est-à-dire il te voit lorsque tu pries en groupe, il voit tes inclinations, tes prosternations, tes stations debout et ainsi de suite. Innahu huwa as-sami'ul 'alim. Il est certes as-sami', celui qui entend toute chose, et al-alim, celui qui sait parfaitement toute chose. Donc on voit également dans ce verset l'affirmation de l'attribut de la vue et de l'attribut de l'ouïe. Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement qu'il te voit lorsque tu pries et qu'il entend ce que tu dis, car il est as-sami' subhanahu wa ta'ala. Et ceci doit pousser le croyant à parfaire sa prière, à se rappeler que lorsqu'il se tient debout, Allah le voit. Alladhi yaraka hina taqum, il est celui qui te voit lorsque tu te lèves. Wa taqallubaka fis sajidin, et il voit tes mouvements, il voit tes gestes et tes agissements parmi ceux qui se prosternent. Rappelle-toi que tu es sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Accomplis donc cette prière de la meilleure manière. Innahu huwa as-sami'ul 'alim. Il est celui qui entend parfaitement toute chose et celui qui sait parfaitement toute chose. Rien ne lui échappe parmi ce que tu fais dans cette prière. Rien ne lui échappe parmi ce que tu dis dans cette prière. Rien ne lui échappe parmi ce que tu penses durant cette prière. Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement toute chose. Donc fais preuve de recueillement dans cette prière et accomplis-la sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala en faisant chacun des mouvements de la prière de la meilleure manière, en te conformant à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car certes, Allah subhanahu wa ta'ala te voit lorsque tu pries. Enfin, l'auteur, rahimahullah, a mentionné le verset 105 de surat al-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَقُلِ عَمَّلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ » Dit, c'est-à-dire dit au Muhammad, à ces hypocrites, « œuvrez, c'est-à-dire œuvrez comme vous le voulez. Continuez de rester sur le faux. » Mais ne pensez pas que ceci échappe à Allah. « فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ » Certes, Allah va voir votre œuvre, il voit vos actions. « وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ » Et également vos œuvres vont apparaître et être visibles pour le messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que pour les croyants, c'est-à-dire dans ce bas monde. Puis ensuite vous serez ramenés à Allah subhanahu wa ta'ala après la mort. Celui qui connaît parfaitement toutes choses, visibles ou invisibles, et il vous informera de ce que vous faisiez. Donc ici aussi, on a l'affirmation de l'attribut de la vue, qui est mentionné également à titre de menace. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala informe qu'il voit les actions de ces personnes afin de leur faire prendre conscience qu'il les rétribuera en fonction de leurs actions. Donc dans tous ces versets, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est explicitement décrit par les attributs de l'ouïe et de la vue. Allah subhanahu wa ta'ala entend et voit de manière réelle, d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté. Et son ouïe et sa vue ne sont pas semblables à l'ouïe et la vue des serviteurs. Et nous nous devons d'affirmer pour Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a affirmé clairement pour lui-même. Nous disons donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala est As-Sami', celui qui entend parfaitement toute chose, Al-Basir, celui qui voit parfaitement toute chose, et il a pour attribut l'ouïe et la vue. Et parmi les bénéfices de la foi en ces deux attributs, il y a le fait que ceci va engendrer dans ton cœur peur et espoir à l'égard de ton Seigneur. Lorsque ton âme aura un penchant pour le péché, ceci va éveiller dans ton cœur la peur, car tu vas te rappeler qu'Allah te voit et qu'Allah t'entend. Donc, ceci va te pousser à faire preuve de pudeur et à t'écarter de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala te voit, Allah subhanahu wa ta'ala t'entend. Fais donc attention à ce que tu fais et fais également attention à ce que tu dis. Et prends garde aux paroles que tu prononces, car Allah subhanahu wa ta'ala les entend. Prends garde à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'entende pas de toi une parole qui provoquera sa colère et qui te fera encourir son châtiment. Prends garde à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te voit pas en train de lui désobéir, en train de transgresser ses interdits ou de négliger ce qu'il t'a ordonné. Rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala est As-Sami' al-Basir, celui qui entend et qui voit parfaitement toute chose. Tu dois donc le craindre et faire preuve de pudeur à son égard en délaissant les péchés et les mauvaises actions de par ton corps et par ta langue. Également, ceci va éveiller en toi de l'espoir. Car lorsque tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala par une bonne action quelle qu'elle soit, comme une prière, une aumône, un jour de jeûne, ou autre parmi les bonnes actions que le musulman peut accomplir, rappelle-toi qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit et t'entend. Et s'il te voit et il t'entend, cela signifie qu'il va te rétribuer pour cette bonne action. Et également, le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit et t'entend doit te pousser à atteindre le plus haut degré de la religion qui est al-ihsan, la bienfaisance, que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Accomplis donc cette bonne action de la meilleure manière, en te rappelant que tu es sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné différents versets concernant l'attribut d'Al-Makr et d'Al-Kaïd. Al-Makr et Al-Kaïd qui sont traduits par la ruse. Et il est nécessaire de comprendre tout d'abord qu'est-ce qui est visé par la ruse lorsque celle-ci est attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens de science ont dit que Al-Makr et Al-Kaïd de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela signifie qu'il atteint celui qui le mérite par un mal sans que ce dernier ne s'en rende compte. Et soulignez bien cela, celui qui le mérite. Et comme on va le voir dans les versets, Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est décrit par l'attribut d'Al-Kaïd et d'Al-Makr, de la ruse, qu'à titre de rétribution pour ceux qui ont agi injustement de cette manière. Il dit donc subhanahu wa ta'ala dans le verset 13 de Surat Ar-Ra'd, « Wa huwa shadidul mihal » Il est redoutable en sa force. C'est ainsi qu'on trouve ce verset traduit. Et les gens de science ont expliqué que Al-Mihal désigne la fermeté et la dureté dans la ruse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est redoutable en termes de kaïd et de makr, en termes de ruse. Dans le sens où ceux qui rusent injustement, alors Allah subhanahu wa ta'ala déjoue leur ruse et les rétribue en fonction de ce qu'ils ont commis, sans même que eux ne s'en rendent compte, d'une manière par laquelle ils ne s'y attendent même pas. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a aussi mentionné le verset 54 de Surat Ali Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa makaru » Ils ont rusé. « Wa makar Allah » Et Allah fit preuve de ruse également. « Wallahu khayrul makirin » Et Allah est le meilleur en termes de ruse. Ce verset concerne ceux des enfants d'Israël desquels Isa alayhi salam avait ressenti d'eux la mécréance. Ces derniers eurent l'intention de tuer Isa alayhi salam et de le crucifier. Ils ont donc rusé pour atteindre cet objectif et comploté. Mais Allah subhanahu wa ta'ala déjoua leur complot. Et il les amena progressivement au contraire de ce qu'ils recherchaient. Et les rétribua en fonction de leur ruse et de leur complot. Et il donna à une personne l'apparence de Isa alayhi salam et éleva Isa alayhi salam vers lui. Wallahu khayrul makirin. Et Allah est le meilleur en termes de ruse. Il est le meilleur pour déjouer les complots. Le plus fort est celui qui en a le plus les capacités. Il atteint celui qui le mérite d'une nuisance sans même que ce dernier ne s'en rende compte. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné le verset 50 de Surat An-Naml, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa makaru makra, wa makarna makra, wa hum la yash'urun » Ils ourdirent une ruse, et nous ourdîmes une ruse, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et ce verset concerne les mécréants, qui s'étaient unis pour tuer le prophète d'Allah, Salih, alayhi salam, ainsi que sa famille. Allah subhanahu wa ta'ala déjoua donc leurs ruses. Il les fit périr et sauva son prophète. Et eux, ils ne s'en rendirent pas compte. Ils ne se rendirent pas compte de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala et du déjouement de leur complot. Enfin, l'auteur, rahimahullah, a mentionné le verset 15 de Surat al-Tariq, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Innahum yakiduna kayda wa akidu kayda » Ils se servent d'une ruse, et moi aussi je me sers d'une ruse. Ils se servent d'une ruse pour essayer de contrer ce avec quoi est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme religion de vérité. Et moi je me sers d'une ruse, c'est-à-dire que progressivement, je les amène, sans qu'ils ne s'en rendent compte, à leur rétribution et à l'échec de leur complot, sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Donc comme vous l'avez entendu, dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala s'est clairement décrit par l'attribut d'Al-Makr et l'attribut d'Al-Kaïd, que l'on peut traduire tous deux par la ruse. Et on a expliqué que cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala atteint celui qui le mérite d'un mal sans qu'il ne s'en rende compte. Et ceci est louable lorsque cela concerne une personne qui le mérite. Et c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même. Et ceci fait partie de la perfection de sa justice, de son équité et de sa sagesse. Car il rétribue l'injuste et le pervers en fonction de leurs actions, sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Et ceci, comme on a dit, est à titre de rétribution pour leurs actions. Et la foi en ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala doit pousser le serviteur à faire preuve de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et à avoir conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. Le serviteur doit donc prendre garde à ne pas faire preuve de ruse, à ne pas chercher à manigancer ou à comploter pour transgresser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui fait cela doit savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala déjouera sa ruse, et qu'il est meilleur et plus rapide que lui en complot et en ruse. Il doit donc prendre garde qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le mène pas progressivement à sa perte. Et nombreux sont ceux à faire des actions qu'ils déguisent pour les faire passer aux yeux des gens comme des actions licites et légitimes, alors qu'en réalité ils n'ont fait que déguiser leurs péchés pour les faire passer pour des actions permises, wal'iyadu billah. Et ceci est très courant, notamment dans les transactions, où les gens vont ruser pour atteindre al-riba, l'intérêt usuraire, et user de différentes formes de ruses et de tromperies pour mener les gens à tomber dans ce grave péché. De la même manière, on va trouver cette ruse dans nombre de relations entre les gens, qui vont faire preuve de certaines tromperies, de certaines manigances pour arriver à ce qu'ils ont désiré de faire parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites à ses serviteurs. Donc à partir du moment où tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur en ruse, tu dois prendre garde à ne pas ruser pour transgresser ses interdits. Car si tu agis de cette manière, alors sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce que tu fais et qu'il te rétribuera en fonction de cette mauvaise action. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider et de nous pardonner. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné des versets concernant les attributs du pardon, al-afu et al-maghfira, ainsi que l'attribut de la miséricorde, mais aussi d'Al-Izzah, la puissance, et Al-Qudra, la capacité. Il a commencé par mentionner le verset 149 de Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « In tubdu khayran aw tukhfu » Que vous fassiez du bien, ouvertement ou en cachette, « aw tahfu an su » Ou bien que vous pardonniez un mal, que vous passiez outre un mal, « fa inna Allaha kana afuwan qadira » Alors Allah est certes pardonneur et omnipotent. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il sait parfaitement ce que font ses serviteurs, qu'ils le fassent de manière publique ou de manière secrète. Quelles que soient les actions que tu puisses faire, Quel que soit l'endroit où tu te trouves, Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce que tu fais. Donc, que tu fasses le bien ouvertement ou secrètement, Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et si tu pardonnes un mal, une personne qui t'a causé du tort, tu passes outre ce tort, tu ne sanctionnes pas cette personne, tu ne lui en tiens pas rigueur, alors sache qu'Allah est pardonneur et omnipotent. Si tu pardonnes, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera, il passera outre tes péchés et tes erreurs et ne te châtiera pas pour cela. Bien qu'il est omnipotent et capable de châtier ceux qui transgressent ses interdits, en raison de leurs péchés et de ce qu'ils ont commis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala passe outre cela, bien qu'il puisse les châtier. Et ceci nous montre la perfection de sa grâce, de sa générosité et de son pardon subhanahu wa ta'ala. Donc Al-Afu et Al-Qadir font partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait partie de ses attributs, le pardon et l'omnipotence. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage au pardon et à passer outre lorsque quelqu'un nous cause du tort. Toutefois, il est à souligner que cela est louable lorsque ceci permet d'atteindre la réforme. C'est-à-dire que c'est une bonne chose de pardonner et de passer outre et de ne pas tenir rigueur lorsque l'on subit une injustice, si ce pardon va être une cause permettant à la personne de se réformer, de se corriger. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, « فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ » Celui qui pardonne et réforme, c'est-à-dire qu'il est une cause de réforme pour celui à qui il a pardonné, alors sa récompense incombe à Allah. Et il est important de souligner cela car parfois le pardon, le fait de ne pas tenir rigueur, cela peut être une cause poussant la personne à s'enfoncer dans sa transgression et son injustice. Et si c'est le cas, alors le pardon est blâmable. Et il peut même être interdit. En effet, certaines personnes injustes, lorsqu'elles voient qu'elles sont pardonnées et excusées, qu'elles ne sont pas sanctionnées, alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles continuent et persistent dans leur injustice. Toutefois, si le pardon va mener la personne à se remettre en question, elle s'est fait prendre et elle se retrouve face à son injustice et craint les conséquences de son acte et les sanctions pouvant en découler, puis celle-ci est pardonnée. Il se peut que ce pardon soit une cause de réforme pour cette personne, que celle-ci se corrige et qu'elle s'éloigne de toute forme d'injustice à l'avenir et de toute forme de transgression, que ce soit envers la victime de cette injustice ou envers autrui. Et dans ce cas-là, le pardon est louable et il peut même être obligatoire. Et le troisième cas est que le pardon n'est pas d'influence sur la personne. Qu'elle soit pardonnée ou non, elle ne va pas augmenter en injustice ni cesser son injustice. Donc dans ce cas-là, le pardon est meilleur, comme l'ont mentionné les gens de science, d'après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Wa anta'fu aqrabu littaqwa » et que vous pardonniez est plus proche de la piété. Ceci était donc une petite parenthèse à ce sujet. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné le verset 22 de Surat An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا » qu'il pardonne et passe outre. « أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ » N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne. « وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ » Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne le pardon. Ordonne de ne pas tenir rigueur des erreurs d'une personne. De passer outre, de fermer les yeux face à certaines injustices qui ont pu être commises. Et de faire cela par espoir d'être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceux qui sont indulgents, on sera indulgent envers eux. Ceux qui pardonnent, ils seront pardonnés. Ceux qui font miséricorde, on leur fera miséricorde. Donc la récompense de ce pardon est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera. Et Allah est Ghafour. Il fait partie de ces noms qu'il est Al-Ghafour, c'est-à-dire celui qui pardonne beaucoup. Et il est Al-Rahim, celui qui fait miséricorde avec abondance. Donc si tu espères le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, toi aussi, pardonne ceux qui te lèsent et qui te causent du tort. Et sois miséricordieux, on te fera miséricorde. Ensuite, il a mentionné deux versets concernant l'attribut d'Al-Izza, la puissance. Et il a commencé par le verset 8 de Surat Al-Munafiqun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ » Or, c'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala répond aux hypocrites qui ont prétendu que c'est eux qui avaient la puissance, l'izzah, c'est-à-dire que c'est eux qui avaient la domination sur les croyants. Alors que la domination, l'izzah, elle revient à Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Et il l'a accordé parmi ses serviteurs à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants. Donc l'izzah, la puissance fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci a trois sens, comme l'ont mentionné les gens de science. Le premier est l'izzah, dans le sens qu'il est impossible pour ses ennemis de l'atteindre par une quelconque nuisance. Et rien ne peut réduire Allah subhanahu wa ta'ala à l'impuissance. Le deuxième est l'izzah, dans le sens de l'autorité et la domination. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui a autorité sur ses ennemis et qui les domine. Et le troisième est l'izzah, dans le sens de la force et de la fermeté. Allah subhanahu wa ta'ala a donc pour attribut l'izzah, et il fait partie de ses noms qu'il est l'aziz. Et sa puissance est telle qu'il ne peut être dominé. Il a autorité sur toute chose. Et l'izzah, la puissance, l'honneur et l'autorité ne se trouvent qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui cherche l'izzah, celui qui cherche la puissance, celui qui cherche l'honneur, celui qui cherche l'autorité, alors il ne trouvera cela qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en obéissant à Allah, en se soumettant à ses ordres et en délaissant ses interdits, en secourant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'être secouru. Enfin, l'auteur, rahimahullah, a mentionné le verset 82 de Surat Sad, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de Iblis, قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Il dit par ta puissance, il jure donc par la puissance d'Allah, je les égarerai tous, illa عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, à l'exception de tes serviteurs élus parmi eux. Donc Iblis a juré par la puissance d'Allah qu'il allait égarer les enfants d'Adam en leur enjolivant les désirs interdits et en répandant parmi eux des ambiguïtés afin qu'ils s'égarent du droit chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a préservé ses serviteurs élus de la ruse du diable et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi eux. Donc on voit dans ces versets qu'il fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-afu, le pardon, et al-qudra, l'omnipotence, ainsi que al-maghfira et al-rahma, le pardon et la miséricorde, et al-izzah, la puissance. Tout ceci fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que le croyant se doit d'affirmer d'une manière qui sied à la grandeur et à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les bénéfices et les bienfaits de la foi en ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu sais qu'il est pardonneur, qu'il passe outre les péchés de ses serviteurs, et qu'il est omnipotent, qu'il est qadir subhanahu wa ta'ala, ceci doit te pousser à sans cesse revenir à lui et à implorer son pardon, et à espérer le pardon de tes péchés en veillant à ne pas t'entêter, ne pas t'obstiner dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala est omnipotent, il est qadir, et il est capable de châtier qui il veut parmi ses serviteurs. Donc prends garde à ne pas t'obstiner dans les péchés, et veille à sans cesse revenir à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il t'arrive de faiblir, en ayant la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est al-afu, al-ghafur, al-rahim. Il pardonne, il passe outre les péchés de ses serviteurs et il leur fait miséricorde. Également, il fait partie des bienfaits et des bénéfices de la foi en l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala d'al-izzah, de la puissance, de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est al-aziz, il est le tout-puissant. Tu dois donc prendre garde à ne pas faire une chose qui te fera encourir sa colère, parmi les péchés et les mauvaises actions. Donc il fait partie des bienfaits de la foi en al-izzah, que tu prennes garde à ne pas tomber dans les péchés majeurs ou mineurs et t'écarter de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Également, il fait partie des bienfaits de la foi en cet attribut Que tu saches que l'izza, elle ne se trouve que dans la pratique de ta religion. La puissance, l'honneur, l'autorité ne se trouvent que dans la mise en pratique de la religion de l'islam. Et le musulman doit faire preuve de izza et doit être fier de sa religion. Il ne doit s'avilir devant personne parmi les créatures, quelles qu'elles soient. Et il ne doit faire preuve de modestie et d'humilité que pour les croyants, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans son livre. Et le musulman ne doit pas s'humilier devant les polythéistes et les mécréants au point de faire des concessions sur sa religion. Car Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la izza, il lui a donné la puissance en le comptant du nombre de ses serviteurs croyants. Enfin, parmi les bénéfices qu'il y a à mentionner ici, il y a le fait que l'auteur a mentionné la izza, la puissance, après avoir mentionné les attributs de l'afou et de l'maghfira, après avoir mentionné l'attribut du pardon. Et ceci nous montre que si Allah subhanahu wa ta'ala pardonne, ce n'est pas par faiblesse, ce n'est pas par impuissance, mais ce n'est qu'une pure grâce et une pure faveur de la part de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et il fait partie des nobles caractéristiques desquelles il convient aux serviteurs de se parer, qu'il veille à être indulgent et pardonneur, même lorsqu'il a le dessus et l'autorité, et de passer outre lorsque tu pourrais te venger. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, a mentionné des versets concernant la négation des égaux et la négation des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, et on verra cela dans le cours prochain, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum.